donc un peu les filles. Allez, marquez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue sur RIG et l'émission Johnny de A à Z tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Et vous suivez aussi également cette émission sur le net rigfm.fr. Et puis vous avez aussi dès le jeudi ou le vendredi, ça dépend, hein, ça dépend mon humeur, ça dépend mes envies également. Vous avez aussi le podcast qui sera disponible prochainement pour cette émission. Et puis vous inquiétez pas, vous pouvez aller chercher les podcasts de l'émission Johnny de A à Z. Il y en a plein, il y en a plus de 150 podcasts à votre disposition. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Johnny de A à Z, la 482e, qui sera principalement dédiée à l'album La Peur de 1982. La Peur qui est le 30e album studio de Johnny Hallyday et qui est sorti dans les bacs le mardi 7 septembre, à quelques jours donc du Palais des Sports. Le Palais des Sports a commencé une semaine plus tard, le 14 septembre. Et ce n'est pas un hasard puisque à l'origine, les chansons qui le composent devaient tisser la trame du scénario post-moderne imaginé pour ce grand show parisien. La pochette en atteste, affichant un Johnny bardé de cuir et de chaîne, affublé d'un casque chromé, d'où perce son regard bleu d'acier. À l'arrivée, pourtant, peu de chansons seront utilisées pour la scène, et cette nouvelle production de Pierre Billon apparaît comme un melting pot synthétique et sans saveur. En fait, de peur, ça craint vraiment, écrira Philippe Manœuvre dans Rock'n'Folk. La faute en revient moins aux auteurs-compositeurs qu'aux arrangeurs, témoins d'une époque où l'on remplace volontiers les musiciens par des machines à son et les producteurs par des machines à sous. On s'en rend compte dès l'écoute du premier titre, Le Survivant, où l'omniprésence de synthé et de cœur féminin rebutant anéantissent la rage contenue dans le texte de Long Chris, qu'on a certes connu mieux inspiré dans les glorieuses 60s. Voilà, on est parti pour la quatrième production de Pierre Billon pour Johnny Hallyday, et l'album est sorti donc, je rappelle, le 7 septembre 1982. On attaque tout de suite cette émission avec le titre Le Survivant. Bonne soirée à toutes et à tous, bonne écoute de cette émission Johnny de A à Z sur RIG. J'ai dormi dans les ruines, perdu au cœur de l'ancienne cité. L'album de La Peur, l'album de la semaine, est une adaptation du titre original You Oughta Know By Now par Ray Kennedy en 1981, qui est inclus sur son album Ray Kennedy, tout simplement. Et je vais vous proposer, une fois n'est pas coutume, d'écouter une autre version américaine de cette chanson-là, non pas la version de Ray Kennedy, mais la version du groupe Vixen, un groupe de hard rock que j'aime bien cette version. Et puis en plus, c'est des femmes, tout ça, elles se débrouillent plutôt bien les femmes, écoutez ça. We'll be right back. Dixon, extrait de l'album Live Fire, avec le titre donc You'd Ought to Know By Now de Ray Kennedy. Et les paroles diffèrent hein, des paroles de Ray Kennedy. Il y a uniquement en commun le refrain. Hein, voilà. Puis donc cette chanson, c'est la chanson Le Survivant. On le retrouve aussi dans une mini-série que j'avais faite il y a 2 ans de ça. Ça s'appelait Johnny Covers et vous retrouverez tous les titres qu'a pu chanter, enfin les plus connus, hein, qu'a pu chanter Ray Kennedy. Et on le retrouvera également dans cette petite vidéo, le groupe Vixen. Allez, on retrouve John Hayden en live. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Le 14 septembre 1982, Johnny entamait un nouvel palais des sports. Et avec un titre de l'album de la semaine, voici Vaudor Vaudou. certaines filles que vous connaissez tous très bien. 10 ans de chaîne sans voir le jour, c'était ma belle pour ça de l'amour. Non mais vous voyez un peu dans quel état vous me mettez tous les soirs. Je veux te voir changer. Je veux te voir bouger. Vous n'avez pas honte, non? De l'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Le rock'n'roll, il est là pour rester. Un siècle sans promesse, un enfant qui respire. Cette vie qui nous blesse, à mesure que s'effacent nos plus beaux souvenirs. Où meurt l'adrénaline de cette solitude? Faut-il payer le prix pour sentir qu'on existe au milieu de ces ruines? Que chacune des blessures en moi. Que le ciel est grand, que le temps nous tue, que restera-t-il de nous? Puisqu'on fait semblant et qu'on s'habitue à ne rien se dire du tout. Qui s'ouvre à les vestiges de sacrifice. Suis-je encore cet enfant qui garde au fond des yeux les feux sans artifice? Je t'aimerai comme hier, à m'en glacer le sang. Les courses en solitaire sans la chaleur humaine se perdent avec le temps. Chacune des blessures en moi. Et que le ciel est grand, que le temps nous tue, que restera-t-il de nous? Puisqu'on fait semblant et qu'on s'habitue à ne rien se dire du tout. Puisque le ciel est grand, que le temps nous tue, que restera-t-il? Enfant du siècle, extrait de l'album Mon pays c'est l'amour, sorti donc en 2018. On revient à l'album de la semaine qui est La Peur, sorti en septembre 1982. Et on retrouve le titre Sans profession qui a été écrit et composé par Bruno Victoire, Pierre Billon et Patrick Larue. Naissance, 50 cm, 3 kg 2 et les yeux bleus pâles. Une espèce de duvet. affection, et c'est bien logique, sans profession. Mais au fond du cœur, j'avais des doutes. J'aimais trop la liberté. Bon physique sans prétention, caractéristique sans profession. Sans profession. Cherche à détruire et qui revienne chaque nuit. Oui, romantique, plein d'émotions, tendre et sympathique. Sans 85 cm, mais dans mon linceul, un corps parfait. Pas de lichen collé à mon être, mais sur l'acte de décès. Fils unique, plein d'ambition, mort pour la musique, sans profession. Tellement de temps que l'on navigue ensemble, ça ne finira jamais. Johnny et les années 70. Elle avait dans les yeux tout l'or de son pays. C'est une fille sauvage aux cheveux de soleil. Et sa maison flottait sur le Mississippi. Elle m'a brûlé le cœur. C'est un pays de super corps brillant. Avec la foi comme un Mississippi Queen. Avec l'air d'une reine habillée de blue jeans. Oui, la fille de Memphis, ma Mississippi Queen. Avec l'air d'une reine habillée de blue jeans. Oui, la fille de Memphis, ma Mississippi Queen. Avec l'air d'une reine habillée de blue jeans. Oui, la fille de Memphis, ma Mississippi Queen. Avec l'air d'une reine habillée de blue jeans. Oui, la fille de Memphis, ma Mississippi Queen. Johnny en 1975, extrait de l'album Rock and Memphis, c'était Ma Mississippi Queen. Et qu'un truc à vous dire. Au revoir, baba, luba, bala, bing, boom. Johnny et les années 2000. Rêver de vous. J'ai rêvé de nous, titre manquant sur Du Parc des Princes 2003 où Johnny présentait les Musicos. Bye Hallyday. Envoie-moi la musique. Petite fille, je t'avais bien prévenu, aujourd'hui ton amour qu'est-il devenu? Petite fille, ce garçon t'a laissé, aujourd'hui que les yeux pour mieux le pleurer. À ce moment tu ne voyais que lui. Quand je t'aimais pourtant à la folie, petite fille, petite fille, maintenant c'est bien trop tard. Aujourd'hui j'ai trouvé l'amour pour y croire. Ah, petite fille, tu me cries ton amour. Aujourd'hui tu me cries trop tard au secours. Tu tends les mains vers moi de désespoir. Tant de chagrin fait de la peine à voir. Petite fille, petite fille, je ne peux plus rien pour toi dans la vie. Quand l'un veut, l'autre ne peut pas. Petite fille, petite fille, petite fille, petite fille. Johnny en 1967. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny en live avec des extraits de l'album La Peur dans le live du Palais des Sports 1982. Elle a ses lettres de noblesse, Hiroshima et Buchenwald. Elle est la tronçonneuse qui laisse le baiser rouge du métal. Elle est le cancer, la chauve-vive. Elle blanchit cheveux et squelettes. Elle se fout bien qu'on l'exorcise. Elle vomit en tournant la tête. La peur, elle viendra un jour pour te planquer le cœur. La peur, elle fait l'amour avec l'horreur. Ces moments de gloire dans la tranchée des baïonnettes ou sur le fil d'un rasoir, elle en a fait tomber des têtes. Elle est le serpent, le napalm. Elle brûle les âmes et les cœurs. De la souffrance, elle a la palme. Elle a des culottes. We'll be right back. un château. Elle a plein de sang dans la bouche. Elle a les reflets d'un couteau. Elle est le rat qui grimpe au mur. Elle est l'alcool, elle est la fièvre. La roue qui éclate en voiture. Le cauchemar qui balaye le rêve. La peur, elle viendra un jour pour te planquer le cœur. La peur, elle fait l'amour avec horreur. La peur, elle viendra un jour pour te planquer le cœur. La peur. Extrait de l'album de la semaine, qui, bon, vous allez me dire, c'est du live. Oui, c'est du live, extrait du Palais des Sports de 1982. La peur qui a été écrite par Jean Renard et par Pierre Billon. Allez, on va passer à, on va revenir à un album, un titre de l'album de la semaine sorti le 4 septembre 1982, c'est La Peur. Et le premier 45 tours qui était sorti, extrait de cet album La Peur, c'était Je suis victime de l'amour. Et aussi, il y avait Il nous faudra parler d'amour. Il nous faudra parler d'amour. On l'écoutera un peu plus tard au cours de cette émission. Le tout a claqué. Je suis tombé. Ouh, il m'a eu au coin de la rue. Il m'a guetté pour m'assassiner. Victime, victime, je suis victime. Dans la nuit, le tueur était tapi. Oui, j'ai vu son regard beaucoup trop tard. Là, ouh, ça fait mal. Au droit au cœur en rafale. Il a tiré et je suis tombé. Je suis victime de l'amour. Monsieur Victime de l'amour est une autre cover à succès du disque. Là encore, le chanteur est en guerre, mais c'est une guerre de dentelle qu'il s'agit. C'est un vieux compagnon de route de Johnny qui signe le texte, George Abert, et l'original est de la plume de Moon Martin, John Moon Martin, qui est un auteur, qui était un auteur-compositeur-interprète texan proche de stars de la country comme Linda Ronstadt et Graham Parsons. Il compose de nombreux tubes à la fin des années 70 et son Victim of Romance, qu'il enregistre en 1978, permet d'introduire un peu d'humour dans l'album, dans un album finalement plein d'espoir. On sait bien que le héros va s'en sortir, bien sûr, mais qui enchaîne des morceaux de bravoure aussi morbides. Ce n'est pas la version de Moon Martin qu'on va écouter en version originale, mais celle d'une reprise de Michel Phillips qui interprète le titre original Victim of Romance. Ici sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z. Oh, ouais, ouais. C'est qui était le canon du groupe de Mamas and Papas et qui a été la première à sortir cette chanson de Moon Martin en 1976. On va retrouver tout de suite Antoine Decaune avec sa rubrique L'Odyssée Johnny Hallyday. L'Odyssée Johnny Hallyday. La fascination de Johnny pour l'Amérique est bien connue et remonte à l'enfance. On a tous en tête ces photos où il est gamin et arbore une splendide panoplie de cow-boys. Celle qu'il enfilait pour interpréter en public la ballade de Davy Crockett, un grand succès des années 50. Born on a mountain in Tennessee, green estate in the land of the free. Raised in the woods so he knew every tree. He killed him a bar when he was only three. Davy, Davy Crockett, king of the wild frontier. À 12, 13 ou 14 ans, en gros quoi, Johnny ne se contente pas de jouer aux cow-boys et aux indiens. Cinéphile précoce, il ne rate aucun des merveilleux westerns de l'âge d'or. L'arrivée d'Elvis et la découverte du rock'n'roll mettent sur orbite ses rêves d'Amérique. C'est également la raison qui le pousse à laisser tomber son vrai nom, Jean-Philippe Smet. Il prend pour pseudonyme le nom d'artiste du mari de sa cousine Desta, Lee Ketchum, alias Lee Hallyday, un gars originaire de l'Oklahoma. Desta et Lee forment un duo de danseurs, les Hallydays. C'est en les suivant en tournée, très jeune, que le futur Johnny prend goût à la vie d'artiste. She's good to me. Oh, yeah. Say, I got a woman way out of town. She's good to me. Oh, yeah. Well, she's my baby. Don't you understand? Yeah, I have a lawful man. You know I got a woman way across town. She's good to me. L'Amérique fantasmée, l'Amérique terre promise, l'Amérique telle qu'au cinéma, Johnny s'y rend finalement, réalisant le rêve de tous les garçons de sa génération. À Nashville, Tennessee, capitale de la country, il enregistre son nouveau Super 45 Tours. Le disque est publié le 10 mai 1963, soit un mois avant la fameuse Nuit de la Nation organisée par le magazine Salut les copains, dont Johnny sera la vedette. Tu t'élèves au parfum de fleurs, douce à croquer, on la forme d'un cœur, t'as 16 ans, t'es jolie, et rien qu'à moi. Oui, t'as des cheveux lumineux, pleins de rubans, aussi bleus que tes yeux. T'as 16 ans, t'es jolie et rien qu'à moi. Les meilleurs musiciens de Nashville, dont l'harmoniciste Charlie McCoy, mettent leur virtuosité au service de Johnny sur la chanson Les Bras en Croix, qui devient, dès sa sortie, un immense succès. Inspirée par l'univers des westerns, la chanson met en scène deux hommes qui s'affrontent en duel. L'ancien ami, quel traître, a volé la femme de celui qui chante. Pour cet affront, il doit périr, se retrouver dans la poussière les bras en croix. Quant à Johnny, pour rester dans l'ambiance cow-boy, il va ensuite tenir son premier grand rôle au cinéma dans un western camarguais intitulé « Mais d'où viens-tu, Johnny ?» Oui, c'est vrai, ça, d'où vient-il ? Mais d'Oklahoma, bien sûr. Écoutez, c'est lui-même qui le dit. Dans la vallée de l'Oklahoma, un coup de fusil fait mouche toutes les fois. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière. Les bras en croix. Tu triches au jeu et dans le pays. On te surnomme partout le maudit. Mais attention, un jour tu finiras dans la poussière. Les bras en croix. Avec insolence tu défies les hommes. Tu chipes leurs femmes, mon Dieu, il faut voir peur. À ce petit jeu tu t'amuses trop. Et tu laisseras ta peau. Les bras en croix. Avec insolence tu défies les hommes. Tu chipes leurs femmes, mon Dieu, il faut voir comme. À ce petit jeu tu t'amuses trop. Et tu laisseras ta peau. Les bras en croix. Je t'aimais bien pour ton ami. Tu as volé la femme de ma vie. Voilà pourquoi d'une balle je t'envoie dans la poussière. Les bras en croix. Dans la poussière. Les bras en croix. Adieu l'ami. tant pis pour toi. L'Odyssée, Johnny Hallyday. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. Johnny et les années 80. Oh. Ah. Quel métier fatigant. Écoutez Érigé, la radio de Johnny Hallyday, le mercredi soir, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. C'est l'émission Johnny de A à Z. Johnny et les années 60. Si ça continue, le rock va avoir une mauvaise réputation. Alors que normalement, le rock, c'est comme une musique saine pour les jeunes. Et c'est très embêtant. Ouais, mais Johnny et les années 60. On essaye un peu de varier ce soir. On mélange les décennies et c'est bien aussi. Voici Johnny Hallyday, adieu. Allô. Bonjour madame, ici c'est Johnny. Je vous téléphone car les amis m'ont dit que votre fille se marie, qu'elle part aujourd'hui. Non, je ne veux pas lui parler. J'ai dites-lui que je l'aime et que Johnny lui dit adieu. À quelle heure ce mariage? Quelle heure et quel endroit? Car le garçon qu'elle épouse là aurait-tu être moi? Mais comme un fou je l'appelle, je l'appelle, sachez-le. Non, je ne veux pas lui parler, je veux pleurer. Mais dites-lui que je l'aime et que Johnny lui dit adieu. Je l'imagine belle comme un ange, et quand la cloche sonnera, je promets qu'elle ne me verra pas. Mais moi je veux la voir encore une fois. Oh oui, je vous dérange, vous avez d'autres soucis. Je sais que vous perdez votre fille, mais sachez que je la perds aussi. Oh, dites-lui que dans ma peine, je souhaite son bonheur. Non, je ne veux pas lui parler, il vaut bien mieux. Mais dites-lui que je l'aime et que Johnny lui dit adieu. Oui, que Johnny lui dit adieu. Adieu. Adieu. On retrouve à nouveau l'album de la semaine et qui est La Peur, sorti le 7 septembre 1982. Et voici le petit moment tendresse de l'album Il nous faudra parler d'amour un jour, de Bob Descoux et de Bruno Victoire, et puis où Johnny aussi a participé aussi à la composition de ce titre. Il nous faudra parler d'amour un jour, avant l'erreur, le point de non-retour. Il nous faudra parler d'amour un jour, avant l'erreur, le point de non-retour. Changer tout ça, cœur de pierre, cœur trop lourd, faudra changer. D'amour un jour, quand les hommes n'auront plus d'autre recours, et ce jour-là sera un autre jour, le premier jour d'amour. De trahir, de bannir, plus la peine de tirer, de brûler, un fini de pleurer, de faire peur, cœur brisé, cœur ailleurs. Il nous faudra parler d'amour un jour, que l'homme arrête un peu de faire le sourd, car ce jour-là sera le premier jour, le premier jour d'amour. Le monde est un peu de faire le sourd. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Andrew Johnny encore une fois au Palais des Sports en 1982 avec une adaptation du des Lynyrd Skynyrd de Sweet Home Alabama, adapté par Eddie Mitchell qui manquait un petit peu de d'inspiration, n'est-ce pas, hein? On écoutera tout à l'heure après la version originale des Lynyrd Skynyrd. Mais voici, mais en attendant, on retrouve Johnny Hallyday au Palais des Sports en 1982. Je parle d'Alabama. Tout un blanc, les trois volets. question simplement, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue? Eh bien alors, juste après la pub. Hallyday by Hallyday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. Tu es fille du soleil. Je suis un oiseau de nuit. Je dors quand vient le soleil. Toi, tu te lèves avec lui. Pour voir l'espoir, ma petite fille du soleil. Tu viens briller dans mes nuits. Mon petit rayon de miel. Tu as changé ma vie, je n'ai plus peur du soleil, je suis sorti de ma nuit. Espoir, espoir. Quand nos corps sont épuisés par l'amour et qu'on est bien, c'est bon quand on s'est aimé et qu'on est encore si bien. Maintenant, on va essayer de continuer un peu de musique. Si tu pars la première, je t'adresse ma prière. Si tu t'en vas la première, ne me laisse pas en arrière. Je ne demande pas que tu sois belle, ça m'est égal que tu sois infidèle. Ce que je réclame, c'est qu'avec toi tu m'emmènes. fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 2010. Prends tes affaires, ne me dis rien. La nuit va tomber. Enfin, embrasse tes frères, ne regrette rien, tout se passera très bien. À l'abri du monde, on ressuscitera, oubliant les bombes, on se reprendra. À l'abri des tombes, on se recueillera, profitant de l'ombre. Ton visage entre tes mains, ne pleure plus en vain. Laisse les bagages et laisse les témoins de notre vie. Enfin, à l'abri du monde, on ressuscitera. Extrait de l'album L'Attente datant de 2012. On revient à l'album de la semaine qui est La Peur et qui est sorti, lui, le 7 septembre 1982. C'est un titre de Bob Descoux et de Bruno Victoire. Bruno Victoire qui a, on l'a vu, on le voit en vidéo sur YouTube, en train de reprendre ce titre également dans un cabaret, dans un bar, un truc comme ça, sur une petite scène, quoi, voilà. C'est le titre oublié, extrait de l'album de la semaine La Peur. À chercher des abris, les fonds de bouteilles laissés au détour d'un détour, pour entrer déchiré à la mort de la nuit. Oublié, oui ça y est, j'ai presque oublié. c'est le corps à corps. Toujours être parti, jamais là le dimanche. Remplacer sa maison par un aéroport. Oublier, oui ça y est, oui j'ai presque oublié. Oublier, oui ça y est, oui j'ai presque oublié. Voir que j'ai tort. Opposer mon sourire au malheur que je cache. Ou lancer par mépris un défi à la mort. Oublier, oui ça y est, oui j'ai presque oublié. Et la sentir ailleurs. Attendre d'elle un geste, un regard, un appel. Et rester seul toujours au pire comme mon meilleur. Oublier, oui jamais je pourrais l'oublier. Oublier, non jamais, non je pourrais l'oublier. Jamais, jamais, jamais, non je pourrais l'oublier. J'ai payé pour en parler. Jamais, jamais, jamais, non je pourrais l'oublier. Non, jamais, jamais, jamais, non je pourrais l'oublier. Johnny et les années 90. Ma vie privée, je n'en ai pas. Je travaille 11 mois sur 12. Enfin, comme ma vie secrète, dans une année, se complète à un mois. Je ne peux pas trahir mon public, pour la bonne raison que 99% de ma vie est à eux. Oh, juste un homme ne peut. masque tombe, extrait de l'album Lorada, datant de 1995. À présent, revenons à une version originale adaptée pour Johnny Hallyday. Nous les avons écouté tout à l'heure, la version adaptée pour Johnny, écrite par Eddie Mitchell, c'était Carte postale d'Alabama. Et la version originale est empruntée au groupe sudiste Lynyrd Skynyrd. Le titre original s'appelle Sweet Home Alabama. Et cette chanson fait référence à l'univers des États confédérés, le monde des champs de coton et des esclaves, qui seront vaincus à la suite de la guerre de sécession. Et la chanson, si elle a été un hymne pour les conservateurs du Sud, elle a fait objet de bien de manifestations hostiles ailleurs dans le pays. Pour la petite histoire, elle était une réponse à la chanson de Thousand Men de Neil Young, qui lui n'aimait guère ce climat plutôt raciste. Évidemment, dans le disque de Johnny et dans le spectacle, cette bagarre américano-américaine n'a pas lieu d'être, même si le Ku Klux Klan est brièvement évoqué au passage. Mais c'est comme ça, et de près ou de loin, la production hollywoodienne du moment se fonde sur les rapports de force. Voici la version de Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Vous la connaissez, bien entendu. Et puis oui, on écoute ça sur RIG, dans l'émission Johnny de A à Z. I'm a Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On trouve une nouvelle fois Johnny Hallyday en live au Palais des Sports en 1982 avec une belle, très belle pause écrite par Nicolas Perrac. La seule incursion de Nicolas Perrac dans le répertoire de Johnny Hallyday avec ce titre. Je ne l'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais. Non. album de la semaine, ici sur RIG dans l'émission Johnny de A à Z, La Peur, sorti le 7 septembre 1982, et ce titre, Faire Face. Je n'ai pas toujours chanté des chansons, on s'est divisé autour de mon nom. Parfois la colère, il m'a glissé des doigts, mais ce que j'ai fait, c'était bien, je crois. J'ai défié les hommes qui truquaient leur jeu, j'ai croisé la mort inscrite dans leurs yeux. J'ai connu la peur, je l'ai maîtrisée, et la moindre erreur, j'ai su l'exploiter. À chaque coin de rue se cache une guerre. Bah, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Faire face. Seuls les aigles voient le soleil en face. J'ai toujours su faire face. Faire face pour me faire une place. Le chagrin, la haine, la peur ou même la pitié sont des vieux mots qu'il faut enterrer. Faire face. Salut, c'est le bois, le soleil en face. Johnny et les années 60. Well, I got a woman way out of town. She's good to me. Oh, oh yeah. Say, I got a woman way out of town. She's good to me. Oh yeah. Well, she's my baby. Don't you understand? Yeah, I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. Well, she's there to love me for day and night. Never grumbles or fusses. Always treats me right. Never running in the street, leaving me alone. She knows a woman plays right down on in her home. I got a woman way out of town. She's good to me. Oh, say, I got a woman way out of town. She's good to me. Oh, yeah. Well, she's my baby. I don't understand. Yeah, I'm a lover man. You know I got a woman way across town. She's good to me. Oh, yeah. Oh, dare to love me both day and night. Never comments or fusses, all treat me right. Never running in the street, all leaving me alone. She knows a woman plays it right down on in her home. I got a woman way out of town. She's good to me, oh yeah. Say I got a woman way across town. She's good to me, oh yeah. She's got to help me when I'm in need. Yeah, she's the kind of a friend in need. You know I got a woman way across town. Oh, she's good to me, oh yeah. I don't see no soul right. She's all right, she's all right. Oh, all right. She's all right, she's all right. Oh. Ça ne finira jamais. Johnny et les films. Avec son des films Love Me de Laetitia Masson en 2000. Voici Heartbreak Hotel. Now since my baby left, I find a new place to dwell. Down at the end of Lonely Street, Heartbreak Hotel. Well, I'm so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I feel so lonely. Lonely, I could die. And though it's always quiet, you still can find some room for broken heart and lovers to climb with the gloom. And be so lonely, baby. Oh, be so lonely. Oh, be so lonely. Lonely, you could die. Well, the bell of stairs keep flowering, the desk clerk's dressed in black. I've been so long and lonely, street will never come back. And I'm so lonely, baby. Oh, they're so lonely. They feel so lonely. I could die. So if your baby leaves you and you've got a tale to tell, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel. Be so lonely, baby. Oh, you'll be so lonely. You'll be so lonely. Lonely, you could die. To dwell down at the end of Lonely Street, a heartbreak hotel. I'll be lonely, baby. I'm so lonely. I feel so lonely. Lonely, I could die. Salut, c'est Johnny. Mais avant de continuer à chanter, j'aimerais à tous et à toutes vous souhaiter une très bonne soirée. Ce soir, on est là pour s'amuser. J'ai pleuré sur ma guitare en chantant notre histoire. Et n'avoir que du plaisir. Restez vivant, restez vivant. Ouais, ouais, ouais. Il suffira d'une étincelle. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Quand l'amour s'en va, Dieu, tout est fini. Dadu, ron, ron, ron, dadu, ron, ron. Je sais qu'au long de toutes ces années, je peux compter sur vous, mais vous, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Se trouver quoi qu'il se passe, c'est possible en moto. Ah, je vous aime. Le rock'n'roll, il est là pour rester. Toi, plante-toi, je ne veux pas que les autres te voient. Ces vautours charognards de l'amour, je le sens déjà, tourne te tour. Je te veux pour moi, tout entière jusqu'au bout de tes doigts. Il pourrait te griffer. laisse les yeux qui brillent. Quand il te voit, alors cache-toi, cache-toi, plante-toi. Je ne veux pas que les autres te voient. C'est mon tour, charognard de l'amour. Je le sens déjà, te tourne, te tourne. Va te cacher. Se cacher avec son album Solitude à 2 sorti en 1978. Et puis souvenez-vous, l'album Solitude à 2, et c'était un album de la semaine il y a quoi, 3-4 semaines de ça. Ouais. Mais revenons au dernier extrait qu'on va écouter de l'album de la semaine, de cette semaine-là, de l'émission aujourd'hui, de l'émission 482. C'est l'album La Peur, sorti le 7 septembre 1982, une semaine avant le fameux Palais des Sports de Paris. Et avec cette chanson de Pierre Nassabal, c'est Ma Voix de Révolté. Une chanson très très très synthétique, évidemment. Allez, on sort les synthés, on y va, on va bien noter. Effet rétro, 60s. Chantons maintenant. Ma voix de révolté, tu l'entendras toujours. Après m'avoir quitté, jusqu'à mon dernier. et les années 80. C'est à l'envers quand ça arrive. Je peux te dire un truc, quand le jour s'est tombé en panne, j'avais la tête à l'envers, et je voyais des gens à travers les doigts, et vous voyez, ah, Johnny, attends, j'étais là, et là, je peux rien faire, putain de merde. Attention, minuit passé et on a quand même toujours de la musique live. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve Johnny Hallyday une dernière fois au Palais des Sports de Paris en 1982 avec le fameux medley rock and roll et on finira avec Wallace King Going On, un classique de cette émission. Celle qui vient, c'est la plus belle de tout le quartier. Et mon plus grand désir, c'est de lui parler. Et la guiche, mes amis, même les plus petits. Pourtant, pour elle, j'ai pas la pression d'exister. Et tout ceci ne m'empêche pas de penser. Cette fille-là, mon vieux, ah, elle est terrible. Je ne veux pas perdre de temps, il y a autre chose sur terre que travailler pendant l'été pour gagner la misère. Oui, au téléphone quand j'appelle la fille que je préfère, mon patron me dit t'as du travail à faire. Enfin, je me demande qui va m'empêcher de retrouver la fille de l'itinéraire. Dans mon cœur, et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des salles de danse, tout contre Jules, et on est venu dans la danse, en faisant les fous. souvenirs pour revenir dans ma vie, éliminant l'avenir, lorsque mon ciel est trop gris. Tandis que le temps vous emporte, pour tout ça j'en suis certain, souvenirs, souvenirs, resterez mes copains. C'est bête et gentil, reste chez elle, elle est timide. Je vais lancer le samedi soir, l'an passé, oui, quand il fait noir. Et elle habite tout au septième étage, l'ascenseur est dans vos âges. Et je monte un, deux, trois, quatre étages, cinq, six, sept, huit, neuf étages. Dix, onze, douze, je suis essoufflé, encore un autre et je vais crever. Bonjour, le dos à l'entrée. Ça. Ce soir, si je suis là, c'est pour te dire qu'il ne viendra pas. Ça ne vaut pas la peine de pleurer pour ça. Il le remplacera d'ici 8 jours, tu l'oublieras. Prenant dans tes yeux toute la joie, c'est envolé. C'est ce que l'âme oublie tout ça, avec quoi vient danser. Et quand il saura que tu t'es consolé dans mes bras, ce jour-là peut-être enfin il reviendra vers toi. Yeah, ne me regarde pas comme ça. Ce soir, si je suis là, c'est parce que tu es tu pour moi. The show to get ready now. Don't catch over short. Step on my blue suede shoe. Well, you can do the thing. Step on my blue suede shoe. Well, you can knock me down from my face. Slam my name all over the place. Do anything that you wanna do. I'm only half of my shoes, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do the thing, lay off my blue suede shoe. Well, it's a one for the money, two for the show. Better get it ready now, go, go, go, down. Step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but you're off on my blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe, baby. Blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe. Well, you can do anything, but you're off on my blue suede shoe. Blue, blue, blue suede shoe, baby. Blue, blue, blue suede shoes, yeah. Blue, blue. blue section. When you can do the thing, but they have my blue section. Come on, Ryan. Cherchez la bagarre, vous êtes venu à la bonne place. Si vous cherchez la bagarre, allez, regardez-moi bien en face. Et je n'aime pas beaucoup, non. À comment au monde? D'accord les gars, moi je vais vous soigner. Ah. shake, baby, shake. I said shake, shake, shake, baby. Baby, shake. Boom, shake, baby. Shake, baby, shake. We're shaking. Oh, a lot of shaking going on. I said shake. Baby, shake. I said shake. Shake, baby, shake. Oh, you gotta get it, honey. Baby, shake. You shake around the tree. Oh, baby, come on over. I said a whole lot of shaking going on. C'est cette émission Johnny de A à Z consacrée à l'album de la semaine La Peur, sorti en 1982, et avec beaucoup d'extraits également du Palais des Sports de 1982. Je vous remercie toutes et à tous d'avoir participé et d'être et pour votre présence également pour cette émission Johnny de A à Z. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission live. Bonne nuit à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao.